Galaxy. Belgium is a nation of 9 million people, a small country often ridiculed by others. Yet in less than a year, they've cultivated a dance music culture of their own. They believe that New Bean could take off here for the UK as well. By now, you're probably wondering what it sounds like. Well, the first hit came from the Erotic Dissidents with Move Your Ass and Feel the Beat. We'll be right back. Galaxy avec l'instant, le mix de Frank Biazzi depuis 20h maintenant. Juste avant, s'il y avait bien sûr le mix du Boccaccio. Et puis bien sûr, un mix de Hatzeville avec HS Johan également. Et puis Fifi. Et puis juste encore avant, c'est-à-dire à 17h, ce qu'on a balancé, c'était un mix de Manu pour l'année 1989-90.